Chapitre 4. Pour corser encore cette vie grimaçante. « Mon matelot s'en va !» dit un jour Jean Pirant en se mettant à table. Clémence sursauta. Ses yeux étincelèrent. Elle ouvrit la bouche pour s'écrier. « Il y a justement Marie Chausselin qui cherche à rembarquer !» Et déjà ses manigances étaient prêtes pour que l'amant nocturne se trouvât à bord de la Bonne Nouvelle sans savoir comment. Mais elle n'eut pas le temps de parler. « J'ai déjà un autre matelot, » continuait Placide le pêcheur. « Comment ? » s'exclama-t-elle avec une colère qui le surprit. « Oui, c'est un jeune matelot à Monsieur le Cointre. Tu sais, ce beau monsieur qui est armateur à Rouen et qui m'a été bon quand j'étais nocive. La dernière fois qu'il est venu par ici, je lui ai fait promesse, si la place se trouvait libre, d'embaucher son fils à l'essai. Le petit gars, à 20 ans d'âge qu'il a, s'est ambitionné pour la marine. On a eu beau le mettre dans les écoles, comme ses frères. Il renonce maintenant sur les bureaux de son père. Rien à faire. Il est incarné matelot, ma pauvre fille. Il est riche et tout, mais c'est sa fantaisie. Et comme ils n'ont pas que lui défend, les parents ont fini par y céder, quoique ce soit pas du tout leur gré. Ils se disent qu'il en aura bientôt mal au cœur, mais ils ne veulent plus le contrarier, de peur qu'il n'aille faire sa fougue du côté du pire. Il cligna ses yeux foncés et bleus entre ses tremblantes boucles d'oreilles d'or. « Si tu veux le savoir, ce matelot-là va nous rapporter bon, car son père a dit comme chat qu'il me paierait au détourné pour le prendre à mon bord, parce qu'il sait bien que j'aurai l'œil pour l'affûter et l'empêcher de dégénérer. » La pirane ne pouvait donner l'explication du dépit qui faisait suer ses tempes à mesure que son mari parlait. Manquer une telle occasion, elle ne put que hausser furieusement les épaules. Quand il y a plein les quais des gars qui connaissent leur affaire, tu vas t'éluger avec celui-là qui n'est pas montré. Ça n'a pas de copie. Tu n'es qu'un vieux trop bête marché. » Comme il restait interloqué, la discussion ne dura pas. Elle n'osa pousser plus loin. Gonflée de contrariété, mauvaise, prête à tout, elle préféra s'en aller vers la poissonnerie, non sans claquer la porte derrière elle. Un ricanement de haine qui s'adressait à ces deux hommes à la fois secouait la belle gorge de Victoire. « Tant qu'ils sont, les gars ne sont jamais que des gens-gens. Fais le 5 et le 4 pour qu'il ne soit plus cornard, et c'est lui qui me nuit au moment d'y arriver. » Est-il utile de dire de quelle façon elle reçut le fils Lecointre lorsque son mari le lui présenta ?« Il va maquer un brin de chair avec nous, premier que de monter à bord, » annonça-t-il en l'emmenant à l'heure du déjeuner. La pirane l'examina des pieds à la tête et vit un jeune garçon aux mains blanches, vêtu de neuf et comme déguisé par son maillot, son béret, les anneaux qu'enfantinement il avait achetés la veille, pressé de se faire percer les oreilles pour avoir l'air d'un vrai pêcheur. Une mèche frisée, trop blonde, tombait sur ses yeux pâles aux cils noirs. Déconcerté par le milieu nouveau dont il avait, avec tant d'ivresse, voulu faire partie, son visage de jeune fille s'était empourpré sous le regard dur de la superbe créature qui le toisait avec cette visible malveillance. L'éclat de rire de la pirane le fit presque chanceler. « Ça, un matelot ! Hélas, tu ne m'avais pas dit que c'était une demoiselle à marier. Au premier coup de mer, il va tomber en pamoison. » Légèrement pincée par son mari, tant bien que mal, elle reprit son sérieux. Se domina pendant tout le repas pour faire bonne figure. Mais l'effet était produit. Le petit Lecointre, mortifié, ne mangea presque pas. « J'ai trouvé du coup comment le dégoûter du métier, » pensait la machiavélique commère. Cependant, chaque fois qu'il descendit du bateau, les jours qui suivirent, il refusa de toute son énergie d'accompagner son patron au logis. « Voilà pourtant ce que t'as fait, » reprocha Jean Pirant. Tu ne diras pas que c'est un chef-d'œuvre. Moi qui voulais le rattirer chez nous, dans l'espoir qu'il finirait par prendre pension, puisqu'il ne veut plus de ces grandes gens et qu'il loge comme un manant à l'hôtel des marins. Mais tu l'as traité si malproprement qu'il aimerait mieux ôter du charbon dans le port que de te revoir. Il veut se mettre bourlingueur, riposta-t-elle, et il prétend qu'on lui fasse des petites croupettes comme à une marquise. C'est-il ma faute si j'étais ri l'autre jour matin de voir sa façon? Ça a encore la coquille au cul et ça va se prendre pour un coq rouge. À la fin de l'avoir piqué, grogna-t-il, il va changer de bateau. ou bien sans retourner chez ses pères et mères. Voilà ce qui va nous arriver. » Elle se retint pour ne pas crier « Tant mieux !» mais désireuse de revoir le garçon pour le décourager encore. « Est-il toi le maître ? Quand on veut être un vrai matelot, c'est d'abord d'obéir. Va y dire de m'apporter lui-même le paisson à la criée à ce grand fourqué, et que je verrons bien s'il a du commandement ou non. » Les hésitations du jeune Lecointre durent être grandes, car 5 jours passèrent sans qu'il se décidât. La crainte de se voir remis dans les bureaux de son père à Rouen dut l'inciter, pour finir, à tout supporter plutôt que de renoncer à son amour de la navigation. On le vit donc apparaître un matin dans la halle, rouge comme une cerise sous sa mèche et les yeux baissés. Toutes les poissardes, la main sur la bouche, firent des hélas en retenant leurs éclats. La Pyrane leur lançait des coups d'œil de comédie. Elle avait tout fait pour ridiculiser d'avance le matelot de son mari près de ses compagnes de marée. Les paumes à la taille, elles attendirent le dialogue. « Bonjour, monsieur le Cointre, » fit la Pyrane en faisant presque la révérence. Il ne releva pas les paupières. « Bonjour, madame Piran. » Pour mieux lui faire perdre contenance, brusquement elle le tutoya. « Qu'est-ce que tu nous apportes ?»« Voilà, » dit-il le menton bas en posant son ruisselant panier. « Vas-tu me regarder ou non ? Et d'abord, comment que tu t'appelles ?»« Gabriel, » murmura-t-il la tête détournée. « Gabriel ? Sûr qu'on ne t'appelle pas plutôt Gabi ?» Les lèvres du garçon tremblèrent. Les yeux toujours à terre, on eût dit qu'il allait se mettre à pleurer. Lors de l'anneau contre la joue couleur de fleur, la mèche frisée et blonde, les longs sourcils noirs, le cou blanc qui sortait du col ouvert, la ligne du long corps de 20 ans, ce fut si beau tout à coup que les mégères cessèrent de rire. « Pour malheureux petit guenon !» murmurèrent-elles touchées. Et la Pyrane elle-même, dans ce souffle qui passait, sentit ses yeux qui s'adoucissaient malgré elle. Un sentiment inconnu cherchait son cœur. Elle avait 28 ans bientôt, l'âge du plus bel épanouissement maternel. Ce petit, tout seul comme un orphelin, dans la ville qui n'était pas la sienne, son courage, sa passion pour la mère, comme à regret, elle cessa de persifler. « Allons, » dit-elle en lui prenant brusquement la main. « Je serons bons amis, voulez-vous ?» Alors seulement les longs cils cessèrent de toucher les joues vermeilles. Un regard d'une telle reconnaissance se leva sur Clémence Piran qu'elle le comprit. Jamais plus elle n'oublierait cela. Elle ne put s'attarder sur cette émotion. Marie Chausselin s'avançait, les yeux dardés sur ce nouveau matelot dont on faisait les gorges chaudes autour des bassins. Il attendit que le jeune Lecointre fût parti pour remarquer. « La v'là donc, la belle poupée qu'est dans la langue du monde ! Y a de qui rire, en effet ?» La Pyrane ne répondit rien, mais elle se rendit compte que, plus que tout le reste, elle garderait rancune de ce mot à son encombrant amant, sans savoir au juste pourquoi, d'ailleurs. Et soudainement, l'idée de génie fut là. « T'as bien fait de le prendre, Pyran, » déclara-t-elle en rentrant. « C'est un jeune homme bien convenable, et malgré sa goule d'enfant Jésus, je crois bien qu'il va faire un matelot de la première. J'ai vu ça ce matin. Mais à présent, mon père Jean, c'est de le décider à loger chez nous. Ce méchant gamin, il sera plus heureux qu'où il est. Et puis l'argent qu'il nous paiera sera toujours bon à ramasser. « Quand je te le dis !» se récria l'autre enchanté. « Mais puisque tu y es, Aster, faut que ce soit toi qui le rattire, t'as compris ?»« Elle a compris, certes. » Le petit Lecointre chez eux, c'est un obstacle de plus pour Marie Chausselin. Elle projette de le gâter tant qu'elle pourra, pour qu'il s'y plaise et qu'il y reste. Elle choisira ses jours pour aller à Branchebelle, afin de pouvoir l'emmener avec elle, sous prétexte qu'il portera le panier. À Marie Chausselin, elle fera croire que son mari l'exige. Elle lui fera croire aussi que le nouveau matelot espionne, qu'il a deviné quelque chose, qu'il a dû faire des marques dans la maison, et qui venir de nuit devient impossible. Elle sera censée le détester et souffrir de sa présence. Mais quelque chose en elle sait bien déjà que ce ne sera pas vrai. Car, en se frottant les mains, heureuse de son plan, la Pyrane ne soupçonne pas encore ce qui, tout doucement, est en train de naître dans les profondeurs de son âme.